J'ai passé la bague à Chiquita, deux mois après je l'ai déjà quitté. Alors petit bâtard, tu croyais que j'allais te faire le même couplet? J'étais endetté à l'époque, aujourd'hui je suis entêté. Là je suis embêté, la police veut ma peau, ils ont enquêté. Tous ces fous, je vais l'éclater fort. Je baisse que je fais même pas d'effort. Couvre-toi chérie, on voit tes formes. Mère belle, on me dit gros là t'es fort. T'inquiète pas, j'ai des potes qui t'épatent, qui te pas, j'ai où ça gaz en double appel. Un braco, une balance, une dépôt, eh ben non, rien ne sert de faire appel. Le J c'est doré de platine, on veut la DB11 Aston Martin. Si tu parles mal gros, ça te tartine, on veut la bombe latine et la blonde platine. Y'a les casquettes, y'a les contours, y'a les vantards, y'a les vautours, y'a les raptors, y'a les ratous, y'a les captans, y'a les sicous, y'a les AK, y'a les coupe-coupe. Hein, génération Goldorak, hein, canoncier sous la Lorac, hein, Marseille c'est Pandora, genou dans le thorax, on est dur et vorace, hein. Tu fais le fou? Ben ouais, on a le millimètre sous le K-Way. Passé minuit tous, les ouais, que des vatos locos, ben ouais. On est calibré, tu fais le mariole. Qui t'a validé, t'es qu'une tafiole. Que des Marseillais, chez moi y'a pas de guignol. On t'a rafalé, tu fais des cabrioles. J'suis calé dans le secteur, j't'ai éteint si t'as parlé à l'inspecteur. Des bâtards qui tournent vers chez vous, on a des sous, on achète tout ce que tu loues. Dans la ville, y'a les bonhommes et les hommes qui vont se lever de bon matin que pour ramasser les sommes. On t'a vu quand t'as raconté ta life, quand t'as cavalé ta race pour réviser quand ta somme. Vrai gars, on a peur de personne, on est tous les jours au diable quand t'as jamais vu dans la zone. C'est des grammes que je fais passer pour des tonnes, faudra assumer quand tu verras débarquer le tum tum tum. Mon poteau t'a changé, franchement j'ai plus quitté. Moi j'aurais gardé Kerim Benz si j'étais DJ. Y'a les crosses, y'a les quads, y'a les crimes, y'a les caisses qui crament, y'a la crème, y'a le chrome. Y'a la cri cri crise, des gens qui sont devenus bibibis. Plus de vie, pas de vice, tu mon fils, arrête de faire le grossiste. Après tu vas chercher mon 06, moi je fais pas ça pour faire au 6. Hasta la vista, ça lève jusqu'à la vista. Du bonjour du pays, y'a le Covid. Tiens trait, tu montes plus dans le bolide. J'suis dans ma folie, c'est pour Achida, Fatou et Pauline. Voiture volée, cagoule, arme de Serbie, mon des négros. Dans ma clique, y'a des marboules, des blancs, des arabes et des négros. Moi j'ai alors ma poule, tous familia, j'me fais la boule. Trop de gens qui me grattent les boules. Boule, boule, boule. 13 balles dans le barillet, on va les traumatiser. Tu peux nous baliser, mais tu peux pas nous localiser. Dans 13 organisés, ces choses ne demandent pas qui c'est. Au fait, on vous calcule pas, les gars, ne vous sentez pas bizarre. J'suis dans le 13 avec ma Chiquita. J'me prends une braise, elle tombe de mon pétard. J'suis un Marseillais, ouais, j'suis comme tu du Tchekar. J'n'ai pas compté les heures, j'écrivais le soir. Et quand j'te parlais, tu m'as fait le coup du tunnel. Tu m'as fait le mort, Zama, même pas tu rappelles. Je vais en choquer, je sors en survêt, tu mêles. Zama, tes choses, Zama, toujours tu te mêles. Okay. Dors pas chez toi le lundi, le mardi. Voilà ce que l'avocat m'a dit. Ouais, les gosses sont donnés par des gadis. Niquez vos mères de la part de daddy. Pour ces putes, j'ai aucune sympathie. Une calache, une bécane, une rafale est partie. Avec des maîtres aux garçons, on a bâti. 6-35, vais tout ce qu'on a bâti. Je connais bien la méthode de ces fils de table. Quand tu prends des tentes et ils portent plein. Je refais la déco, je suis un fils de peintre. Fils de pute, ouais, tu m'as vu parti, tu m'as vu par là. T'inquiète, tu es partout comme un DZ. Tu m'as vu tranquille, tu m'as vu normal, plus petit. Je suis fan de la génération des BZ. La son de baiser, je suis plus taisé. On vient faire terrer, on a pas poté. Doté, on a le talent pour les mettre de côté. Plutôt c'était les filles d'à côté. Ok, Rayon, tu t'es crucifort. T'es costaud, arc ou t'es cruciforme. On s'en balèque, derrière la force. Tu la vois pas venir, tu la verras devant ta porte. T'es Marseille, on dort les platines. Même rap, t'as crois pas qu'on patine. Ça chichard des caisses, ça t'allume. Ça passe de célèbre, ça m'amuse. Passe la première, on démarre. À 2-10, sans les phares. Pas de permis, pas de carte grise. On a carte blanche depuis qu'on a la carte noire. Sors le gari, mon vieux bari. Après minuit, j'passe te voir. Chatim para, kadombi. Via, elle dégage, chasse de gadji dans la mini, gratte le numé, elle te mini, Katsukiri, Katsukiri, j'suis trop guiri, au revoir. 13 balles dans le barillet, on va les traumatiser. Tu peux nous baliser, mais tu peux pas nous localiser. Dans 13 organisés, ces choses ne demandent pas qui c'est. Au fait, on ne calcule pas, les gars, ne vous sentez pas visés.